vibrace toute sa thune. Alors il a la craqué, il a fini par racheter la banque électrifiée. Dernier modèle. Décharge n'était pas assez forte. Bon, il a changé le branchement pour que ça soit mieux. Maintenant il est paré contre les agresseurs. Il n'y a plus de problème. Joe n'a plus. Dès qu'un connard l'ouvre un peu trop, une petite décharge lui fait fermer sa gueule. Un jour il s'est fait agresser, il a tourné sans hésiter le bouton au maximum et a tué ses agresseurs. Il a tué cet agresseur. Ah bon? On l'a déjà fait celle-là.